On est à la fête de Marie-Anne Saint-Gelais. Avec moi, j'ai le premier entraîneur de Marie-Anne Saint-Gelais, Pierre-Yves Dion. Bonjour, M. Dion. Bonjour. M. Dion, si on parlait un peu de Marie-Anne, quand vous l'avez entraînée pour la première fois, est-ce que vous pensiez honnêtement qu'elle avait un potentiel pour aller très loin? Bien, au départ, c'était plus un jeu pour elle, puis un peu pour tout le monde. On commençait dans le milieu. Quand je suis arrivé à Saint-Félicien, moi, je suis rebondable. Quand je suis arrivé de Saint-Félicien, c'était pour donner un coup de main, puis après se relancer un peu le club, parce que il y avait une bonne relance au niveau du CA. Et par contre, l'entraînement, bien, les entraîneurs, il y avait un peu de difficulté avec former un cercle d'entraîneurs. Mais c'est sûr que Marie-Anne était là depuis un an. Puis la structure, ben, il fallait refaire la structure des entraîneurs. Puis évidemment, de fil en aiguille, après un an, deux ans, on voyait qu'elle avait des capacités pour pouvoir performer, mais Marie-Anne, c'était pas une performance. Parce que Monet, elle ne tenait pas à 100%. Ou Monet, pour elle, c'était un jeu. Mmh. C'était correct aussi, là. Mais c'était un jeu pour elle. Puis, jusqu'au temps où on a réussi à lui faire comprendre qu'elle avait des capacités, qu'elle était capable d'aller plus loin. Puis, et elle l'a réalisé par elle-même aussi, là. Lorsque vous la voyez aujourd'hui, une vedette nationale aussi, êtes-vous surpris? Oui, c'est toujours une surprise. C'est toujours une surprise parce qu'on ne sait pas comment ça peut virer un athlète olympique. Hein? Ou un athlète, c'est-à-dire que ça peut bien aller, une blessure. Mais elle avait eu des bons résultats. Tu sais, elle est championne canadienne dans une coupe Canada. On voyait que graduellement, que des capacités étaient là et que des résultats étaient là aussi. Mais oui, c'était une surprise. Parce que Monique, quand on dit athlète olympique, champion olympique, c'est pas pareil. Là. Tu peux être une dans les trois meilleures au monde. C'est pas évident. Là. Pas sûr que personne n'est capable de dire oui, je la vois là quand... Le centre, le club de patinage des éclairs de Saint-Félicien, au début, vous l'avez dit, c'était vraiment, il était tombé. Puis là, aujourd'hui, tu vois Marianne, tu vois Longuier, Cassandra Bradette également qui est allée sur l'équipe nationale. Tu as Catherine Maillot, tu as Léonie Bradette, on a plusieurs. Là. À quelque part, c'est tout un travail qui a été fait par vous et toute l'équipe. Là. Oui, parce qu'en réalité, moi, ma philosophie, quand j'ai entré ici, là, c'était que je voulais restructurer le système de coaching. Je m'étais dit que ça ne peut pas être une histoire d'une personne, un entraîneur. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré de personnes, de parents qui sont investis dans le coaching. Je les guidais, puis je les incitais à aller aux formations, etc. Du saut temps où ce que on est venu avec une banque de 8-9 entraîneurs. C'est assez exceptionnel. C'était ça mon but. Puis là, je m'étais dit, lorsque je quitterai, un jour je quitterai, parce que je ne serai pas toujours éternel, bien, il y aura toujours la base qui va être là. Puis effectivement, dans les années 2006, j'ai quitté parce que, à un moment donné, j'avais plus peu sacré. Mais j'étais fier de moi parce que, à un moment donné, la base était toujours là, à Saint-Félicien. Il y avait encore 5, 6, 7 entraîneurs. Puis après ça, il y avait toujours un roulement. Puis c'est ça. Je pense que mon but était à temps. OK. Puis c'était pas juste de former également des athlètes, c'est de former des individus aussi. Oui, effectivement. Puis je revois ces mêmes jeunes. J'ai commencé avec eux en 2000. Je les revois. On est rendu en 2015. On les revoit, puis c'est encore M. Pierre, puis ils me collent encore. T'sais, les jeunes ont grandi, puis les jeunes, c'est des athlètes. Parce que même s'ils ne vont pas aux Olympiques, c'est des athlètes. Parce qu'on les revoit dans d'autres sports. Puis oui, on a développé des individus qui sont respectables maintenant. Okay. Quand vous voyez un petit peu également, il y a une relation particulière. Marie-Anne, tout à l'heure, elle partait à pleurer quand vous la voyez. On voit vraiment qu'il y a une relation particulière avec Marie-Anne. Oui, effectivement. Oui, parce que j'étais un peu comme le papa au début. Là, j'étais toujours avec eux. Je passais... Avec moi, j'ai le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin. Bonjour, M. Potvin. Oui, salut bien, salut bien. M. Potvin, une journée réussie? Ah, absolument. Je pense que c'est un bel hommage là, que la population rend à Marianne. On préparait ça depuis longtemps. Rappelez-vous, à Vancouver en 2010, on avait donné un premier signal. On avait encouragé Marianne de continuer ses efforts. Moi, dans le temps, j'avais dit que ce n'est pas une étoile filante, Marianne, c'est une étoile montante. qu'on en a la preuve aujourd'hui. Elle a performé à Sochi, a remporté plusieurs championnats mondiaux, accumule les championnats et les médailles. Elle se dirige vers la Corée en 2018. Alors, je pense qu'il fallait pas attendre là cette étape-là. Je pense que c'était le moment, dans le cadre du 150e, c'est ce qu'on avait dit. On voudrait lui rendre hommage. Pour les gens, c'est une référence. Il va être plus facile. C'est un souvenir qui va être clair à l'occasion du 150e. On a rebaptisé le centre récréatif. On a rendu hommage à Marianne. Et ça devient là, une référence visuelle, en plus d'être un modèle là, pour tous nos jeunes et pour toute la communauté locale, régionale et nationale. Ben, merci beaucoup. Plaisir.